Exercice 10, page 65. Ah. Vous pouvez l'écouter? Transformer. Oui, je peux l'écouter. B. Vous pouvez le prouver? Transformer. Oui, je peux le prouver. C. Vous pouvez le trouver? Transformer. Oui, je peux le trouver. D. Vous voulez l'ajouter? Transformer. Oui, je veux l'ajouter. E. Vous voulez le goûter? Transformer. Oui, je veux le goûter. F. Vous voulez l'épouser? Transformer. Oui, je veux l'épouser.